وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقلنا إننا اليوم سنتكلم عن القضاء هل يلزم على الفور أو لا On a dit qu'aujourd'hui on allait aborder le fait de rattraper la prière pour celui qui l'a raté, le fait de la rattraper. Est-ce que le rattrapage se fait à l'instant même où tu t'en rappelles, ou alors le rattrapage se fait donc avec un laps de temps relativement vaste. فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الفوائد تقضى على التراخي مستدلين بقصة طويلة ذكرها عمران بن حسين كما في صحيح مسلم. Et donc un groupe des savants, des gens de science, ils voient que les prières qui sont ratées sont rattrapées avec un laps de temps relativement large. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de la rattraper à l'instant même, tout de suite. Et il se base sur une histoire qui est relativement longue, qu'a cité Imran ibn Hussein, comme dans Sahih Muslim. فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة في سفر ليلا وغلبهم النوم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ رأى الشمس قد بزغت فقال ارتحلوا قال عمران فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداء. Et donc Imran ibn Hussein, dans cette histoire, il nous cite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en voyage durant la nuit avec ses compagnons et que la fatigue a eu le dessus sur eux, ils se sont donc endormis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est réveillé, il a vu que le soleil était déjà levé. Donc le temps du fajr, il est terminé. Alors il a dit « Irtahilou, allons-y, allez-y, on se déplace ». Et donc, ils sont partis. Imran ibn Hussein, il nous dit que donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est donc déplacé avec nous jusqu'à ce que le soleil blanchisse. Donc là, le soleil s'est bien levé, il a blanchi jusqu'à ce que le soleil blanchisse. Et là, il est descendu et il a prié avec nous al-fajr. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر القضاء ولم يفعله مباشرة بعدما استيقظ. Il y a dans ce hadith le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retardé le rattrapage de la prière et ne l'a pas fait à l'instant même. لكن العلماء الذين قالوا بوجوب القضاء على الفور أجابوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة لمصلحة الصلاة. Cependant, les savants qui voient qu'il est obligatoire de rattraper la prière à l'instant même où tu t'en rappelles que tu l'as raté, ils répondent à cela en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a retardé le rattrapage de la prière pour l'intérêt de la prière. Ce n'est pas pour autre raison, c'est pour l'intérêt de la prière. لأنه كان ينبغي لهم أن ينتقلوا إلى مكان آخر. Car à ce moment-là, ils devaient se déplacer à un autre endroit. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. Et c'est pour cela que, avant de se déplacer, le prophète صلى الله عليه وسلم, il leur a dit: certes, cet endroit dans lequel nous sommes, الشيطان y est resté avec nous. Et donc on va à un autre endroit. On va à un autre endroit, on se déplace. Voilà pourquoi ils se sont déplacés ailleurs, justement pour l'intérêt de la prière. Sur ce sujet-là, les savants ils ont abordé ce sujet. Est-ce que à chaque fois que tu vas rater ta prière, tu vas devoir te déplacer à un autre endroit? Ou à chaque fois qu'il y a eu un péché accompli quelque part, donc ça veut dire que tu dois te déplacer, etc. Les savants ils disent non, là. Pourquoi? لِأَنَّ هَذَا لَا يَعْلَمْهُ إِلَّا نَبِيِّ. Ils disent que ça, il n'y a qu'un prophète qui peut savoir que Shaitan il était là ou pas. Et donc, ce n'est pas à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose que tu vas devoir te déplacer et changer d'endroit. فَالرَّجِحُ مِنْ هَذَا أن القضاء يجب على الفور إن شاء الله تعالى ولكنه يجوز تأخيره لمصلحة في الصلاة. Et donc l'avis le plus juste dans ce sujet, c'est qu'il est obligatoire de rattraper la prière à l'instant même où tu t'en rappelles. Mais qu'il est permis de retarder cela à plus tard s'il y a un intérêt pour la prière. Comme par exemple, on est plusieurs à s'être endormi pendant un voyage et donc on se réveille en retard et on veut rattraper la prière. Alors, au lieu que chacun prie tout de suite de son côté, on attend que tout le monde ait fini les ablutions pour pouvoir par la suite prier ensemble. Et donc ça, c'est pour l'intérêt de la prière. Tu ne vas pas rattraper tout de suite dès que tu t'en rappelles, dès que tu te réveilles, mais tu vas faire l'effort de réveiller un peu tout le monde, etc. Ça va peut-être même prendre une heure, le temps de réveiller tout le monde, le temps de faire les ablutions, etc., etc. Il y en a qui vont peut-être aller aux toilettes, Allahu A'lam, etc. Et au final, on prie tous ensemble. Et donc ça, c'est pour l'intérêt de la prière. أما من أخرج الصلاة عن وقتها عمدا فاختلف العلماء في مشروعية القضاء له. En ce qui concerne celui qui va faire sortir la prière de son temps de façon intentionnelle, alors les savants, ils ont divergé concernant son cas. Lui est-il permis, lui est-il légiféré de rattraper la prière? فذهب الأئمة الأربعة إلى مشروعية القضاء لأن ذمة هذا الرجل ما زالت مشتغلة بهذه الصلاة. Et les quatre imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, ils voient donc que il est obligatoire à cette personne de rattraper cette prière. Il est obligatoire de rattraper cette prière même si elle l'a fait sortir de son temps de façon intentionnelle. Il est obligatoire de la rattraper. Pourquoi ? Parce que cette personne a toujours une dette. Elle a toujours cette dette, cette prière qu'elle n'a pas accomplie. Elle a toujours cette dette envers Allah. Tabaraka wa ta'ala. Wa stadallu bi hadith al-bab ala dhalika qa'ilin bi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhakara al-qada' liman nasiya aw nam. Ya'ni hadha ar-rajul nama fa huwa ma'dhur. ومع ذلك يجب عليه القضاء فكيف لا يجب على من أخر الصلاة عن وقتها عمدا. Et donc ces savants, ils se basent sur ce même hadith qu'on étudie aujourd'hui, qu'on a commencé hier déjà. Celui qui dort pendant la prière ou qui l'a oublié alors qu'il l'accomplisse lorsqu'il s'en rappelle. Et donc ils se basent sur ce hadith. Ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il a cité celui qui a oublié la prière ou qui dort pendant celle-ci. C'est-à-dire que cet homme, il est excusé, il a oublié. Ou alors, il ne s'est pas réveillé, il est excusé. Malgré cela, il lui est obligatoire de rattraper la prière. Comment se fait-il que celui qui a intentionnellement fait sortir la prière de son temps, comment se fait-il qu'on va lui dire « Non, non, toi c'est bon, tu peux pas la rattraper, t'as pas besoin de la rattraper. » Et donc, ils nous disent... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à celui qui est excusé de rattraper la prière de la même façon, celui qui n'est pas excusé, lui aussi, il doit rattraper la prière. Wa kama anna man aftara fi nahari Ramadan lazimahu al-qada wa law ta'ammad. Et il dit aussi de la même façon, celui qui rompt son jeûne en pleine journée de Ramadan, alors il est impératif qu'il rattrape ce jeûne. Même si il l'a fait de façon intentionnelle. On ne va pas lui dire, non, c'est bon, laisse alayka, chez illa tauba, etc. On ne va pas lui dire, tu ne peux faire que te repentir. On va lui dire, tu rattrapes ton jeûne aussi. Et donc, de la même façon que tu rattrapes ton jeûne, de la même façon, tu rattrapes ta salat aussi, même si tu l'as délaissé de façon intentionnelle. Wa zahaba akharun, wa minhum ibn Hazm al-Zahiri, إلى أن العبادة توقيفية ولا دليل على القضاء لمن تعمد. Et d'autres savants, et parmi eux Ibn Hazm al-Zahiri, ils voient que l'adoration est un acte qui nécessite impérativement une preuve. Et certes, il n'y a pas de preuve montrant que celui qui fait sortir la prière de son temps de façon intentionnelle, il peut la rattraper. Il n'y a pas de preuve. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Celui qui accomplit un acte qui ne respecte pas notre ordre, alors son acte est rejeté. » Un acte qui ne respecte pas notre religion, alors son acte est rejeté. « Wa min adillatihim aydan, qawlu an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fil hadith alladhi nadrusuhu al-an. Man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idha dhakaraha. Qalu fa dhakara udhrayn ithnayn lil qada. Fa hasb. » Et parmi leurs preuves, il y a le hadith qu'on étudie aujourd'hui. Donc vous voyez, donc les deux groupes, ils vont utiliser la même preuve. Ils vont utiliser le même hadith, ce hadith qu'on étudie. Donc aujourd'hui, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Celui qui oublie une prière ou qui dort durant celle-ci, alors qu'il la rattrape lorsqu'il s'en rappelle. » Ils nous disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il a cité deux excuses pour rattraper la prière. Il a cité deux excuses. Celui qui dort ou celui qui l'a oublié. Et donc, on ne peut pas rajouter d'autres excuses à cela, sauf des excuses qu'on va comparer à celles-ci, comme on verra plus tard, inshallah ta'ala. وَالنِّقَاشُ فِي هَذِي الْمَسْأَلَ نِقَاشٌ طَوِيلٌ. En réalité, le débat dans ce sujet-là, c'est un grand débat. Un grand débat. Même avec Cheikh Arafat, on a fait des niqash tawil là-dessus. C'est vraiment un grand débat. Et il n'y a nul doute que l'individu lui incombe d'accomplir la prière à son temps. ولا شك أن هذه الصلاة ما دام لم يأتي بها فهي في ذمتي. Il n'y a nul doute que cet individu, tant qu'il n'a pas accompli cette prière, alors cette prière, elle est comme une dette qu'il a envers son Seigneur, qui lui a rendu obligatoire l'accomplissement de cet acte. وفي الجانب الآخر لا شك أن العبادة توقيفية. Et d'un autre côté, il n'y a nul doute que l'acte d'adoration nécessite une preuve. فنصيحتي لإخوتي أن لا يقعوا في مثل هذا الخلاف. Et donc mon conseil pour mes frères, c'est de ne pas tomber dans cette divergence. لا تخرج الصلاة عن وقتها. Ne fais pas sortir la prière de son temps. Afin qu'on se demande est-ce que tu peux rattraper, est-ce que tu peux pas rattraper. Et attention, indek. Les savants qui disent que tu peux rattraper, ils vont pas te dire que tu as la récompense. Hein. Ils vont pas te dire que tu as la récompense. بل فعلت ما يجب عليك أما الأجر فهذه مسألة أخرى. La récompense c'est autre chose. Comme celui qui boit de l'alcool, que sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours, il doit quand même prier. Il doit quand même prier. Mais est-ce que la prière est acceptée? C'est autre chose. Et donc, on ne confond pas les deux sujets. Barakallahu fikoum. Et donc, mon conseil, c'est de ne pas faire sortir la prière de son temps. Et afin de sortir de la divergence. Wallahu ta'ala, a'la wa a'lam. الكافر الأصلي هل يطالب بالقضاء إذا أسلم؟ L'incroyant de base, celui qui est incroyant, lorsqu'il se convertit à l'islam, est-ce qu'on lui demande de rattraper toutes les prières qu'il n'a pas faites pendant 15 ans, pendant 20 ans, 30? Non. فأولا ينبغي أن يعلم أن الكفار مطالبون بالصلاة وأنهم سيحاسبون على الصلوات التي لم يصلوها. Premièrement, il est impératif de savoir que les incroyants, les kuffars, il leur incombe l'accomplissement de la prière. Il leur incombe l'accomplissement de la prière et qu'ils seront jugés concernant toutes les prières qu'ils ont délaissées. Toutes les prières qu'ils ont délaissées, ils seront jugés. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit qalu ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min al musallin wa lam nakun nut'imu al miskin wa kunna nakhudu ma al kha'idin wa kunna nukadhibu bi yawm al din. Et il dit, qu'est-ce qu'il vous a fait rentrer dans saqar, dans l'enfer? Il dit, nous ne faisions pas partie des prieurs, on ne priait pas et on ne nourrissait pas les pauvres. Et on participait aux assises futiles. Et certes, nous mécroyons au jour de la résurrection, au jour de la rétribution. إذن هؤلاء الذين كذبوا بيوم القيامة سيذكرون من أسباب دخولهم النار أنهم لم يكونوا من المصلين. Et donc ces gens-là qui ont mécru au jour de la résurrection, ils citeront parmi les causes qui les ont entraînés en enfer, ils ne vont pas citer que le fait qu'ils ont mécru, ils vont aussi citer le fait qu'ils ne faisaient pas partie des prieurs. Ça aussi, ça fait partie des causes d'entrer en enfer. Et donc, ils seront jugés concernant ces prières qu'ils n'ont pas accomplies. إِذَنْ هُمْ مُطَلَبُونَ بِالصَّلَاةِ لَكِنَ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمْ هَلْ يُطَلَبُ بِهَا. Et donc, ils seront jugés concernant ces prières. Cependant, l'incroyant, s'il se convertit, est-ce qu'on lui demande de rattraper les prières ratées ? الْجَوَابُ لَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يُطَلَبُ بِهَا. لأن الله تبارك وتعالى يبدل سيئاتهم حسنات. Il n'y a nul doute que cet incroyant, on ne lui demande pas de rattraper les prières ratées. Pourquoi? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala va changer ses mauvaises actions en bonnes lorsqu'il se convertit à l'islam. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Et ceux qui n'invoquent en dehors d'Allah aucune divinité et qui ne tuent pas ce que Allah a interdit de tuer et qui ne forniquent pas. Par contre, celui qui fait tout cela, il accomplit certains graves péchés. Le châtiment lui sera multiplié au jour de la résurrection et il y restera éternellement humilié et rabaissé. Sauf celui qui s'est repenti et qui a eu la foi et a accompli de bonnes actions, alors ceux-là, Allah change leurs mauvaises actions en bonnes actions, et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. فَهَذَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ. Donc ça, cela fait partie des grâces d'Allah تَبَارَكَ وَتَعَالَى sur ses serviteurs. طَيِّبْ وَالْمَسْأَلَةُ الْأَخِيرَةُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ. Le dernier point qu'on voit aujourd'hui, c'est celui qui perd la raison. Celui donc qui perd la raison, qui s'évanouit et qui perd la raison par la suite. فَقَدْ يَخْتَلَفَ الْعُلَمَا فِي حَقِّهِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ أَوْ لَا. Les savants, ils ont divergé concernant cette personne. Est-ce qu'il lui est obligatoire de rattraper ses prières ou pas? Quelqu'un qui rentre à la mosquée pour prier le dhuhr, il vient et avant qu'on fasse la prière, il s'évanouit. Il reste par terre, il s'évanouit, on l'emmène à l'hôpital, il se réveille après l'Isha. Après l'Isha, il se réveille. Lorsqu'il se réveille, est-ce que tu vas lui dire: ya akhi, ça va la baisse, alhamdulillah, tu veux boire, alhamdulillah, tiens de l'eau, ya akhi, la salat, il faut que tu rattrapes. Est-ce que tu lui dis de rattraper? Ou alors, non. La yajib. Les savants, ils ont divergé concernant ce cas-là. فذهب قوم إلى أنه لا يقضي لأنه كالمجنون لكونه لا يعقل في هذه الفترة. Certains savants, ils voient que il ne lui est pas obligatoire de rattraper ses prières. Pourquoi? Parce que il est comme le fou, celui qui a perdu la raison, il est donc comme le fou. Et donc à cause du fait qu'il ne raisonne pas pendant toute cette période-là. Et certes, il est connu que parmi les conditions de l'obligation de la prière, il y a la raison. Celui qui n'a pas la raison, la prière ne lui est pas obligatoire. Et donc pendant toute cette durée-là, il n'avait pas la raison. Il ne lui est donc pas demandé de rattraper cette prière. وَقَالَ أَخَرُونَ إِنَّهُ يَقْدِي لِأَنَّهُ كَالنَّائِمُ وَالنَّائِمُ يَقْدِي مَا فَاتَهُ إِذَا اسْتَيْقَظَ. Et d'autres, ils nous disent que non. Pourquoi vous le comparez au fou? Il est comme celui qui dort. Et certes, celui qui dort, lorsqu'il se réveille, il doit rattraper sa prière. Et donc la divergence, elle est où? elle est en fait celui qui a perdu la raison. Est-ce qu'on le compare à celui qui dort ou on le compare au fou? Celui qui a perdu la raison. Voilà la divergence entre les ulémas. Certains savants, comme Cheikh Arafat, lorsque j'ai discuté de ce sujet avec lui, il me disait, lui, il penche vers le fait qu'on le compare au fou. Pourquoi? Il dit, c'est lui qui dort. Lorsque tu viens vers lui, tu le réveilles, tu le réveilles, tu le secoues comme ça. Il se réveille. Et il dit, celui qui a perdu la raison, il s'est évanoui. Tu peux secouer, secouer. Comme tu veux, il ne va pas se réveiller. Il ne va pas se réveiller. Et donc, sa raison, elle ne revient pas. C'est comme celui, donc, qui est fou. C'est comme celui qui est fou. Wa min al-ulama man fassal. Il y a parmi les savants certains qui ont détaillé et qui ont fait farraku bain al-irma et tawil wal yasir. Certains, ils ont fait la différence entre celui qui s'est évanoui, qui a perdu connaissance pendant longtemps, et celui qui a perdu connaissance pendant un court instant. Et donc, pour finir, je vous cite la parole de Cheikh Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, dans ce sujet. Il nous dit, Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, فَإِنْ قَضَاهَا فَهُوَ أَحْوَطْ وَإِنْ لَمْ يَقْدِهَا فَلَا بَأْسَ. Si il rattrape cette prière, donc celui qui s'est évanoui, s'il la rattrape, alors cela est plus sûr. Mais s'il ne la rattrape pas, il n'y a pas de mal. لِأَنَّهَا مُدَّةٌ تَوِيلَةٌ وَالْإِرْمَاءُ يُشْبِهُ الْجُنُونَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهِ وَإِذَا قَضَى فَلَا حَرَجْ لَكِنْ لَوْ كَانَ الْإِرْمَاءُ قَلِيلًا يَوْمَيْنْ أَوْ ثَلَاثًا يَقْضِي فَقَدْ أُغْمِيَ عَلَى بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَقَدْ ونعم فقد أغمي على بعض الصحابة وقضى المدة اليسيرة لكن إذا زاد على الثلاث وصار كثيرا فالأصح فيه عدم القضاء لأنه حينئذ أشبه بالمجنون والمعتوه أما الإغماء ليومين أو ثلاث فهذا أشبه بالنائم فيقضي. Et donc il dit Cheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi, il nous dit donc, car donc ceci est une longue période. La personne, si elle rattrape, il n'y a pas de mal, car ceci est une longue période. Et la perte de connaissance est en réalité comme la folie. Elle ressemble à la folie. La personne n'a plus donc sa raison. Et donc, il ne lui incombe pas de rattraper cette prière, Inch'Allah. Mais s'il le fait, alors il n'y a pas de mal en cela. Cependant, si la perte de connaissance est légère, deux ou trois jours, alors là, il rattrape. Car certes, certains compagnons, il a été rapporté qu'ils ont perdu connaissance pour cette petite période et ils ont rattrapé. Ils ont rattrapé donc la prière. Cependant, si la perte de connaissance est plus longue que cela, est plus longue que trois jours et que ça devient beaucoup, alors l'avis le plus juste est qu'il ne rattrape pas. Car à ce moment-là, il ressemble au fou. À ce moment-là, il ressemble au fou. Et c'est là que je pense que j'ai mal noté tout à l'heure. Naam. Et donc, la perte de connaissance qui est en dessous de 3 jours, ou qui est égale à 3 jours, à partir donc entre 1 et 3 jours, cette perte de connaissance, donc selon cet avis, c'est une légère perte de connaissance et la personne ressemble, elle est comparée à celui qui dort. La personne est comparée à celui qui dort. Là, on lui dit, lorsque tu reprends connaissance, tu rattrapes. Si cette perte de connaissance dépasse les trois jours, à ce moment-là, la personne est comparée à celui qui a, donc, au fou. La personne est comparée au fou, et lui, il lui est donc demandé, il ne lui est pas demandé, donc, de rattraper cette prière, parce que le fou, la prière ne lui est pas obligatoire. Voilà donc pour cette divergence. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khayra.